Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgi FM. Soirée, c'est Ludo qui vous emmène. Le mix de Ludo. Voici AA. Ooh. In The Mix, le vendredi et le samedi à 21h sur Sorcier FM. Sorcier FM, Sorcier FM, Sorcier FM, Sorcier FM, Sorcier FM, Sorcier FM. Samedi 21h 23h. L'une des plus pulpeuses des chanteuses. Heureusement je deux autres pas. I'm not.

mouillait pas à l'époque, hein, pour changer les titres. Hein. Mais ça marchait. Le Mix de Ludo, vendredi, samedi, 21h, 23h. Et tout ça sur... Sur GFM. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sorgier FM. Yeah.

Until I can get my satisfaction.

on a fellow man. Your wish is my command. I'm a teacher, but a man, 'cause I got everything. Ludo in the mix. Le vendredi et le samedi à 21h sur Sur GFM. Bon, ils ont peu appelé ce soir, ils s'en foutent. Il y a des branches de téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soirée disco. Go, go, go, show Boris. Chez Boris, ce soir, c'est soirée disco. Ce soir, entrée, 15 balles, gratuit pour les filles. Chez Boris ce soir, poule à facette, pantalon pas de def, spotline, c'est soir à disco.

le vendredi et le samedi à 21h sur Ludo

21h sur Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Sorgi FM. Am I wrong? Sorgi FM. Sorgi FM. Saying that I choose another way. I ain't tryna do what everybody else doing, just 'cause everybody doing what they all do. Thank you. passez une bonne soirée. On va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Mix de Ludo. Entre 21h et 23h, le vendredi et le samedi. Et tout ça sur... Voilà, faites attention à vous si vous sortez. Et comme dirait de Chavannes, sortez couvert. Quoique. Quand il pleut, ouais, c'est mieux. Quand il pleut, il faut sortir couvert, c'est mieux. Thank you.